Un entretien avec Maëlle et Lucie, où il est question du collectif trans en Finistère Sud, de psychiatrisation des parcours de transition, de santé communautaire, mais pas que. 52 Hertz. Enregistré à Quimper le 21 mars 2023. Je m'appelle Maëlle, j'ai 28 ans et je fais partie du CTFS depuis qu'il existe. Et je suis avec Lucie, qui est cofondatrice. Bah, salut, moi du coup c'est Lucie, j'ai 26 ans et je suis cofondatrice du CTFS. Du coup, le CTFS, c'est le collectif trans en Finistère Sud, CTEFS, donc l'acronyme, ça se prononce CTFS. Ça amène la réflexion que chacun se mêle un peu de ses fesses, et puis c'est sympa justement d'en prendre soin aussi. Du coup, c'est initialement un collectif qui a été fondé en novembre 2021, dans une période de crise sanitaire, en sortie de confinement, avec une hypermédiatisation, on va dire, des transidentités, où il y avait justement peut-être une hausse des affirmations de soi, où peut-être plus de personnes étaient amenées à se poser des questions sur leur genre, sur leur identité. Et donc forcément, on sort de l'isolement après ces confinements. Et il y a besoin de se retrouver entre personnes concernées, entre personnes queers, entre personnes trans. Et du coup, on décide, cette idée folle, de créer le collectif trans en Finistère Sud, justement, pour faire de l'autosupport, de la pérédance, pour réagir un peu à l'actualité. On est dans un contexte où il y avait des situations de transphobie au sein des administrations quimperoises, donc on décide aussi un peu de s'en saisir aux côtés de la Ligue des Droits de l'Homme. Et c'est comme ça qu'est créé vraiment le collectif. Et puis, en fait, on a très vite senti le besoin de formaliser ce collectif en asso, notamment lorsque dans notre premier groupe de parole entre personnes concernées, on s'attendait sans prétention à 5-6 personnes et on s'est retrouvé avec 30 personnes devant la porte qui attendaient pour venir discuter sur les questions de genre. Donc on a monté l'asso, ça fait un an maintenant, mars 2022 que nous sommes une asso, et on a fait pas mal d'activités, on va dire, notamment en termes de pair aidance, donc dans l'autosupport entre personnes transgenres pour se soutenir, pour s'accompagner dans les démarches, pour écouter les questionnements aussi, parce que l'écoute active et bienveillante a une place importante dans notre association. Là, par exemple, en ce moment, on a aussi la marche des fiertés en tête, beaucoup. Mais voilà, on est sorti de la kermesse, qui était un gros projet qui nous faisait plaisir aussi et dans lequel on s'est bien amusé et qui, au final, on a été plus que satisfait de cette journée d'animation. On fait également des missions de sensibilisation sur tout ce qui est justement l'accompagnement des personnes transgenres dans les institutions, dans les associations, justement pour améliorer un peu la place des personnes trans dans la société et dans la localité également. On fait de la prévention et de la formation auprès de professionnels de santé notamment, parce que inclusive de la santé, donc c'est une notion un peu détournée de la promotion de la santé, pour la rendre accessible à tout le monde, parce qu'aujourd'hui, justement, les professionnels de santé ne sont pas tous au fait avec les questions de transidentité, de non-binarité, même d'intersexuation. Donc on essaye d'avoir un petit impact pour déjà dire que l'on existe, qu'il y a des spécificités à prendre en compte, que l'écoute est importante, l'écoute des patients est importante. Et du coup, on est beaucoup dans cette sensibilisation auprès des praticiens de santé. Quand on a eu cette volonté justement de promouvoir davantage la santé, d'étoffer l'offre d'accès aux soins notamment, il y a la question du réseau de santé trans qui s'est vite posée. Donc le réseau de santé trans, c'est en fait un réseau qui regroupe des professionnels de santé qui ont dans l'idée de bien faire, en tout cas de se renseigner, de se former, mais également des associations et des usagers. Forcément, ça nous semblait évident de rejoindre ce réseau. Et ben, moi, en tant qu'infirmière, j'ai également adhéré au réseau de santé trans, parce que dans les soins, on est amené à rencontrer du public trans ou non binaire ou même en questionnement, tout simplement. Et du coup, on a adhéré au réseau de santé trans. C'est pas forcément un réseau dont on a beaucoup profité, parce que l'expérience, elle s'est vite faite sur le terrain en rencontrant un, puis deux, puis trois professionnels, et ainsi de suite. Et en fait, on a étoffé notre propre réseau sur la localité, d'abord en Finistère Sud, puis sur tout le Finistère. Il y a encore très peu de professionnels sur le territoire finistérien, voire plus largement breton, qui acceptent d'accompagner les personnes trans. Et du coup, par ce réseautage, on est en train d'encore plus étoffer notre réseau, notamment ces médecins, infirmières qui sont devenus des alliés, avec qui on travaille activement, notamment là actuellement on est dans la création d'un plan de formation destiné aux médecins prescripteurs également, donc pour élargir l'offre de prescription de traitements hormonaux de substitution ou même plus largement dans la médecine générale des personnes trans, parce que beaucoup de médecins ne veulent pas prendre en soin les personnes trans parce qu'ils ne savent pas faire, alors que c'est tout simple. Par exemple, on est en Finistère, il y a quoi, il y a une trentaine, quarantaine d'endocrinologues qui sont les spécialistes des hormones, et on n'en a pas qui acceptent de prescrire des hormones, sauf un peut-être à Brest, mais on sait vers qui on redirige nos usagers, mais on n'a pas d'endocrinologues qui acceptent de prescrire les hormones, et c'est quand même incroyable de se dire que le spécialiste ne sait pas faire, et ok. Du coup, on a des super gynécos, notamment des généralistes aussi, qui nous accompagnent. Radical Kitten, Wrong. Il y a un peu un contraste, on va dire, parce que on essaye de se détacher de l'étiquette de la psychiatrie, parce que pendant longtemps, en fait, les transidentités étaient considérées comme des affections psychiatriques, jusqu'à il y a très récemment, avec un diagnostic qui était posé, qu'on appelait le transsexualisme, et qui imposait du coup tout un suivi psychiatrique, des démarches assez compliquées, très normatives, pas forcément bienveillante, déshumanisante, violente, beaucoup de choses en fait qui font que on a un peu rejeté cette obligation de parcours psychiatrique, on a rejeté l'appellation de transsexualisme, de transsexuel, parce que il y a tout cet historique pathologisant et violent en fait. Et du coup aujourd'hui, il y a des administrations, il y a des médecins conseils qui imposent un suivi psychiatrique pour poser l'étiquette de légitime à faire un parcours de transition. C'est-à-dire que pour changer de prénom, il y a des administrations qui demandent une attestation psychiatrique. Pour avoir accès à des hormones, il y a des médecins qui demandent des attestations psychiatriques. Tout ça, c'est pas légal, parce qu'on n'a pas le droit d'imposer une attestation psy, en fait, dans ce cadre-là. Et la loi le dit, la loi nous protège à ce niveau-là. Et en fait, on milite activement pour dépsychiatriser les transidentités, pour retirer cette idée que, en fait, être trans, c'est être, entre guillemets, malade mentale. Sur le plan OMS, Organisation Mondiale de la Santé, en fait, les transidentités ont été dépsychiatrisées seulement en 2019, dont la mise en application a été effective en 2022. Donc, officiellement, dans les textes, on est sorti du DSM, donc le recueil des maladies mentales, en fait, ou affections psychiatriques. On en est ressorti qu'il y a un an. Donc, ça fait qu'un an qu'aux yeux du monde de la santé et du monde général, les transidentités ne sont plus considérées comme des affections psychiatriques. Donc, nous, en fait, on lutte activement pour sortir de ce versant psychiatrique. Mais en même temps, du coup, il y a des personnes qui vont se dire bah, non, je suis trans, donc je ne suis pas malade, donc j'ai pas envie de me faire prendre en soin. Et en fait, il y a un double discours, et il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas prendre en soin leur santé mentale non plus, parce que il y a cette étiquette psychiatrie qui est collée. Et alors qu'en fait, c'est important quand même de prendre soin de soi, et soin de soi, ça passe aussi par la santé mentale et de s'écouter. Moi, je suis d'avis que le parcours psy pour les transidentités, ça devrait être à la carte. Genre, si t'en as besoin, on devrait pas te fermer la porte, ça devrait pas être compliqué. Genre, on devrait te dire oui, d'accord, t'as rendez-vous tout de suite. Mais à contrario, on ne devrait pas te forcer à prendre rendez-vous avec un psychiatre juste pour dire « Oui, bah en fait, t'as raison, tu es qui tu dis être ». On devrait nous faciliter l'accès de pas forcément un psychiatre, mais un psychologue ou un pro avec qui parler pour ceux qui en ont besoin, quoi. Mais après, bah, y a encore tous ces freins, en plus, comme on disait avant, de transphobie médicale, volontaire ou involontaire. Et on a encore des retours de psychologues, de psychiatres qui sont transphobes sur le territoire en 2023. On a encore des retours d'hospitalisation en psy qui ne se passent pas forcément bien parce que l'identité administrative ne concorde pas avec l'identité revendiquée, ce qui fait que une personne trans peut être dans une chambre double, par exemple, avec une personne... du genre opposé, donc voilà, il y a beaucoup de contraintes comme ça qui peuvent se passer et dont on a écho, et donc forcément ça ne motive pas non plus le souhait de prise en soin, et c'est pour ça que la formation des professionnels est essentielle dans ces questions-là, et de faire remonter les situations pour pouvoir être accompagné et défendu. Et nous, je sais qu'en tant qu'asso, si on a le retour d'un nom en particulier, on va commencer par de la médiation avec le professionnel en question pour dire mais attendez, est-ce que vous voulez qu'on en discute, vous avez peut-être besoin d'aide sur ces questions-là, et s'il n'y a pas de souhait de coopérer ou d'écouter derrière, en tout cas, il y aura d'autres actions pour défendre l'usager, en tout cas, de cette situation. Voilà, c'est beaucoup de choses qui font des freins sur l'accès à la santé mentale, malheureusement, et c'est en ça aussi que nous, on essaye de suppléer autant que possible par des entretiens individuels avec les usagers pour pouvoir discuter, pour pouvoir s'écouter, prendre soin de soi aussi. Entre copains, mais avec les usagers généraux aussi. On a des personnes qui ne se sentent pas forcément bien, qui viennent. On essaye de trouver avec elles qu'est-ce qui peut justement être facteur de bien-être, de réconfort, quelles seraient les possibilités qui sont à envisager et tout. Et c'est des personnes que l'on voit une ou deux fois et qui après, on ne revoit pas pendant un certain temps et qui, grâce peut-être à ces clés ou à d'autres solutions aussi, ont pu avancer dans leur parcours de bien-être. Et du coup, voilà, beaucoup d'écoute, beaucoup de support. Et on a aussi d'autres personnes que l'on voit plus fréquemment et pour qui, justement, le fait de venir nous rencontrer, de nous voir à nos permanences, nos groupes de parole, ça permet aussi de sortir dehors parce qu'autrement, ils ne voient personne, parce qu'ils ne sont pas forcément confrontés à des personnes bienveillantes ou qui seront en accueil. Et puis, entre nous aussi, parce que on reste aussi des personnes, on reste des humains, mais en plus, on a aussi ce vécu trans, donc on peut être exposé à toute cette violence ou cette beauté, parce qu'il y a aussi beaucoup de beauté dans les parcours, et ça, c'est important de le souligner. Et on se soutient beaucoup entre nous, on s'écoute, on prend du temps pour nous aussi, et on arrive à réussir à se faire un peu... sortir la tête de l'eau en se disant hop, on arrête un peu de parler de tous ces sujets parce que sinon on se plombe le moral, parce que aujourd'hui encore il y a beaucoup de choses à revendiquer, il y a encore beaucoup de situations qui sont contestables, mais il faut aussi que nous on prenne soin de nous entre nous pour s'en sortir et ne pas penser qu'à ça, parce que sinon on serait tout le temps sur le terrain pour essayer de revendiquer alors qu'on a encore d'autres activités à côté. Ouais, parce que aux permanences, en fait, c'est des bénévoles qui animent ça. Et qui dit bénévole, tout le monde n'a pas la même force pour accueillir certains discours. Et en général, à la fin des permanences, les personnes qui ont le plus de force vont quand même demander est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que tu as besoin d'en parler, est-ce que tout est OK pour toi, parce que pour quelqu'un pour qui cette transition se passe bien, se prendre des fois dans la tête qu'une personne est rejetée par tout le monde, ça peut être assez dur à recevoir et surtout à comprendre. Et en vrai, c'est un métier de recevoir, de faire de soigner quelqu'un, c'est un métier. Et nous, on se retrouve à faire ce métier-là parce que ben, les gens ils sont incompétents à le faire. Mais ça va. Après, on a des moments pour décompresser où on est autre chose que des personnes militantes, où on est juste des gens normaux. On se prend pas la tête et... Enfin, pas pour ça, mais... Genre juste à savoir qu'est-ce qu'on fait à manger après, quoi. C'est cool aussi. Ouais. Il y a des personnes qui sont là, qui ont fait partie d'autres associations, mais c'est pas forcément dans la thématique militante ou c'était plus sportif. Et il y a des trucs qui se recoupent, mais pas tout. Lucie a fait une chouette formation là, pour les bénévoles dans l'association. Ouais, enfin, c'est pas une formation que j'ai proposée, hein, c'est plutôt un groupe de réflexion sur l'accueil et l'accompagnement des usagers, en fait, sur l'accueil bienveillant surtout. Comment est-ce qu'on fait pour s'adresser à quelqu'un qui vient nous rencontrer aussi? Quelles sont les clés pour ouvrir la parole sans tout orienter, sans faire parler nos préjugés ou nos idéaux à nous? Parce que, en plus, on fait de l'accueil trans, ok, mais en fait, il y a les transidentités, c'est une pluralité de parcours, de vécu, d'identité, et il y a autant de parcours et de vécu différents qu'il n'y a de personnes. Et du coup, s'adapter à la personne, savoir s'adapter, c'est très compliqué aussi parce que tout le monde n'a pas les mêmes bases, les mêmes notions. Ni les mêmes idées forcément, et y a plein de spécificités qui rendent en compte, et on essaye justement de s'entraider en tant que bénévole sur ces questions-là, parce que comme je le disais tout à l'heure, en fait, nous on a créé le collectif sans prétention, et on s'attendait pas à ce qu'un an et demi après on fasse autant d'accompagnement, autant de situations spécifiques, d'activités événementielles, d'accueil et tout ça. On ne s'attendait pas à une telle ascension ou à un tel développement, un tel essor en tout cas. Et forcément, on a appris beaucoup de choses. Donc nous, on avait déjà la chance d'avoir eu des expériences associatives avant sur ces questions trans, ce qui n'est pas le cas de tout le monde parce que on a beaucoup de bénévoles, on va dire, qui sont dans des parcours plus frais et récents. Et on a, comme tu disais, il y a d'autres personnes, d'autres assos également, qui ont cette fibre de partage. Et on essaye de faire des réflexions le plus souvent possible. On se voit tous les mois déjà pour faire des réunions d'associations où on invite les bénévoles à s'impliquer dans la vie associative, à se poser les questions, à se remettre en question aussi. On a un très fort réseau militant et bénévole sur toute la France, et on fait beaucoup d'échanges inter-assos pour discuter de ces questions et mettre nos bénévoles et militants au cœur de l'action avec d'autres personnes qui se posent les mêmes questions, qui ont d'autres vécus, d'autres expériences, d'autres confrontations. Et en fait, on apprend tous ensemble, et c'est ça qui est formidable, qui est chouette. Après, moi, j'ai aussi ma formation initiale d'infirmière qui fait que j'ai été formée à accueillir, à faire des entretiens, j'ai été formée à mener des groupes de parole, parce que j'ai été amenée à faire des groupes de parole, par exemple, en addictologie, sur les consommations. Et c'est pas du tout les mêmes problématiques qui sont soulevées, mais en fait c'est la même prise de parole qu'il faut entendre aussi, où on respecte, c'est des écoutes qui sont confidentielles, c'est des écoutes qui sont adaptées, personnalisées. Et forcément, d'avoir ce bagage, pour moi, c'était un plus déjà pour être à l'aise avec le public, et également pour donner quelques tips, quelques clés aux camarades sur leur façon de faire. Trans, qu'on sait tout en fait. On a eu des cas de personnes qui sont venues dire « Ouais, je suis trans, donc je sais ce que c'est être trans. » Non, tu sais ce que c'est être trans pour toi. Mais il ne faut pas transposer nos parcours sur les autres personnes, parce qu'on vient tous de milieux sociaux différents. Même financièrement, on n'a pas la même aide derrière. Il y a des personnes qui sont isolées, et il y en a d'autres où ils n'ont plus que leurs potes, et en fait ils auraient préféré avoir leur famille avec eux, et du coup c'est compliqué. Après, il y a des gens du coup, en vrai, il faut se former continuellement, parce qu'il y a des problématiques et thématiques où c'est pas inné en fait. C'est Déjà, il y a un gros travail, nous, c'est ce qu'on fait dans nos interventions de formation auprès des partenaires associatifs ou professionnels, c'est la déconstruction des stéréotypes, déjà, qui est importante pour nous. Mais en fait, cette déconstruction des stéréotypes, elle est aussi effective auprès de nos militants, nos bénévoles, parce qu'on est construit dans une société très binaire, cis-hétéronormative, et patriarcale, enfin, voilà, il y a plein de choses qui fait qu'en fait on se construit avec certaines images de la société, de la femme, de l'homme, et qui laissent pas la place justement à des expressions de genre plus variées aussi, plus diverses, à des identités qui sont plus fluides. Et il y a ce travail aussi à faire avec nos bénévoles aussi. Et globalement, tout le monde est très ouvert sur sa question, donc c'est chouette. Mais il y a ça, mais il y a aussi tous les rapports aux privilèges aussi, qui sont importants à déconstruire, parce que on est des personnes trans, ok, comme tu disais, on a peut-être cette parole trans qui est importante, mais on ne sait pas tout. Tout le monde n'a pas les mêmes ressentis, ne sera pas impacté de la même manière. On n'a pas les mêmes parcours de vie non plus. C'est des critères qui sont essentiels en fait pour comprendre les personnes et pour ne pas se mettre pour que tout le monde parte en fait sur une base commune, et que personne n'est au-dessus de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'hiérarchie, il n'y a pas de... C'est pas parce qu'on fait un entretien individuel, par exemple, qu'on sera... Enfin, ça n'a aucun lien avec ce que je suis en train de dire, en fait, mais... Enfin, c'est pas parce qu'on fait un entretien personnalisé qu'on sera au-dessus de la personne. On parle toujours d'égal à égal, en fait, et on a autant à apprendre des personnes qu'on accueille que peut-être qu'eux, ils auront à apprendre de ce que nous, on peut leur proposer aussi. Donc, c'est ça qui est important, et qu'il faut garder, cette humilité dans l'accueil aussi. En vrai, tu parlais avant, mais là, ça me vient maintenant, des différences des parcours pour les meufs trans et les mecs trans. Mais toi et moi, on a vu le même spécialiste d'une spécialité, là. Et moi, ça s'est super bien passé. Et toi, ça c'était... Moi, j'ai mis un très mauvais commentaire sur Google, en tout cas. Bah, un psychiatre, c'est... du coup, qu'on voyait. Parce que, nous, comme elle disait, on a commencé notre transition il y a longtemps, guillemets, mais on est encore formaté dans « il faut aller voir un psychiatre pour avancer ». Du coup, on allait voir un psychiatre, et on s'est rendu compte plus tard que c'était le même, et avec moi, c'était super bien passé. J'étais pas obligé de performer encore plus le genre masculin, mais toi, t'as été obligé de performer le genre féminin pour avoir le même papier que moi à la fin. Parce que, en fait, ce que tu soulèves aussi, c'est, enfin, je disais avant, il y avait un avant et un après Covid, mais en fait, c'est très concret, parce que jusqu'en 2019, il y avait une société savante autoproclamée, on appelait ça la SOFECT, et qui régissait les parcours trans de manière très linéaire et très binaire, et fallait se conformer à pas mal de choses, il y avait beaucoup de contraintes, et ça a fait beaucoup de mal, en fait, et elle a été dissolue en 2019, donc c'est bien. Et en fait, nous, on était de cette époque où il y avait encore la SOFECT, et du coup, moi, j'ai vu deux psychiatres en début de parcours qui étaient infects, autant l'un que l'autre. Et justement, celui qu'on a en commun, par exemple, moi, un jour, il me dit « Attendez, mais vous voulez une attestation ?» Déjà, il me faisait payer 75 euros. 75€ la consultation. Et 45. Voilà, enfin bref, voilà. Moi, je payais 75€ la consultation. Enfin, j'avais pas forcément d'argent. Il y avait je ne sais combien de consultations pour accéder à cette attestation qui était le Saint Graal. Et il me dit, mais attendez, mais je peux pas vous prescrire, vous faire l'attestation. Pourquoi vous vous maquillez pas? Enfin, vous voulez être une femme ou pas? Enfin, maquillez-vous si vous êtes une femme. Et moi, j'étais en mode. Quoi? Et enfin voilà, et comme tu dis, il fallait performer en fait. Et déjà, quand on est trans et qu'on souhaite, enfin, même si c'est pas notre souhait, enfin, même si, enfin, si on veut se limiter à la violence, si on veut se limiter à la violence du monde, et ben on va essayer de performer au mieux le genre pour avoir moins de réflexion et justement mieux passer pour, entre guillemets, ce qui est la solution de facilité. Et voilà, enfin, et du coup, on se résolvait à, on se résout, le mot pour dire qu'on se résoudait, quoi, à performer ou à surperformer le genre auquel on s'identifiait, et voilà, quoi. Et dans tous les cas, quand on est trans, on doit toujours se justifier. Auprès de tout le monde, on se justifie et c'est pénible, en fait. Et ça fait partie des facteurs aussi de pourquoi beaucoup de personnes trans ne se font pas prendre en soin. Parce que dès qu'il y a cette confrontation avec le système de santé où le professionnel se rend compte que l'usager est trans, en fait, même si c'est pas pour une question de parcours trans, on va chez le dentiste et le dentiste se rend compte qu'on est trans parce que le numéro de sécu n'est pas changé, parce qu'il a accès à notre DMP, à notre dossier médical personnalisé. Notre parcours patient, en gros, ou alors parce que il voit qu'on a une ALD. En fait, à partir du moment où le praticien va se rendre compte qu'on est trans, il peut y avoir des questions qui vont être posées. On peut aller au laboratoire pour une prise de sang qui n'a rien à voir avec un parcours et on va nous dire « Ah, vous êtes trans, mais du coup, vous allez vous faire opérer ?» Enfin, et on, voilà, et c'est toujours cette question de se justifier en permanence, ou alors « Mais vous êtes sûr que c'est votre ordonnance ? Parce que regardez, c'est pas le bon prénom. Ou alors, vous êtes sûr que c'est votre carte vitale ? Ça, c'est celle de votre mari, non ?» Et du coup, c'est toujours ces confrontations où, au final, on est trans et on doit se justifier de pourquoi on est trans, alors qu'en fait, on n'a pas à le faire parce que bah, on est nous-mêmes, quoi, en fait. C'est un peu le double tranchant, on va dire, de cette hyper-médiatisation des transidentités, parce qu'il y a beaucoup de désinformations qui circulent, mais ça fait partie du processus de faire connaître les transidentités, et au moins les gens ont un mot dessus. Lorsqu'ils font de l'accueil, ils ont cette étiquette, ils disent « Ok, alors ça... » Alors, ok, donc là, on est avec une personne trans. Ah oui, je me rappelle, j'ai vu le reportage de M6, Karine Le Marchand. Et voilà, du coup, je sais, ok. Bon, ça permet d'avoir cette information générale aussi qui va progressivement et qui se fait entendre, même si nous, ça nous fait hérisser les poils parce que, justement, souvent, c'est pour dire des âneries. Voilà, c'est pour ça en fait qu'on a aussi beaucoup de réactions vives par rapport à la presse, aux médias qu'on peut voir. Donc voilà, enfin, c'est un double tranchant, c'est le pour et le contre. What makes you see that it's for more and more and more and more and more? and watch closely. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai mes parents qui m'ont dit, parce que ça fait un certain temps maintenant que j'ai commencé mon parcours et tout, et là, je suis très impliqué sur le plan associatif et militant. Et mes parents, ils m'ont dit il n'y a pas longtemps, mais dis Lucie, pourquoi est-ce que, maintenant que t'es bien dans la société et tout, pourquoi est-ce que tu continues d'identifier comme trans en fait? En fait, les droits ne sont pas acquis, qu'il n'y a rien qui va, l'État il est transphobe encore aujourd'hui, on est dans une société qui est ultra binaire, qui ne laisse pas la place aux minorités de genre, même dans les discours, revendicatifs de manière générale, féministes, les personnes trans sont toujours au second plan encore, on est exclu de beaucoup de projets de loi, on a été exclu de l'IVG lors de la loi bioéthique, on est exclu du projet de constitutionnalisation... on a été exclu de la PMA dans la loi bioéthique, on est exclu du projet de constitutionnalisation de l'IVG, on a des droits qui sont actés et pourtant on est encore discriminé par les institutions, même les administrations, les mairies, non, je peux pas faire comme si de rien n'était et vivre ma vie de femme cisgenre dans la société. Il y a trop de choses à revendiquer, d'accompagnements qui sont nécessaires. Nous, on a créé l'asso et en fait, le besoin, il est manifesté. Il y a ce besoin d'écoute, d'entraide et je pourrais pas en fait faire passer l'éponge là-dessus parce que il y a encore trop de travail à faire et c'est important d'en être. Pour moi, c'est important d'en être en tout cas. L'année dernière, on a co-organisé la première marche des fiertés quimpéroises. Et l'essence même, c'était de se souvenir en fait de comment on en est arrivé là et de se rappeler que initialement, ça restait des violences, des émeutes, des situations de contestation face à un système oppressif, face à des violences policières. Et on était dans cette importance justement de se souvenir, de garder la mémoire. Et on constate que c'est pas la même vision de tout le monde parce qu'il y a eu cette capitalisation, on va dire, des fiertés, des prides, qui du coup maintenant, il y a une marque déposée Pride, par exemple, et c'est ce dans quoi s'intègre tout simplement le mois des fiertés, c'est un mois capitaliste, parce qu'en fait, on fait du pinkwashing dessus, on s'approprie les luttes à fin mercantile, et on le voit, le mois de juin, nombre d'enseignes qui d'un coup ont plein de couleurs sur leur logo, on rentre dans ce moule de merchandising, là cette année on reconduit une marche des fiertés qu'on essaye de faire inclusive et très politique, très engagée. Maintenant on se pose la question de la continuité aussi parce qu'on rentre dans ce moule qu'on nous impose qu'est le mois des fiertés. Est-ce qu'on veut vraiment rentrer dans un moule alors que si on fait une marche c'est pour contester et pour revendiquer des droits? Et oui, ce que tu dis, l'historique de la Bretagne et du Finistère sur les luttes trans, sur les questions trans, les questions intersexes aussi. On a la chance d'être à côté de Douarnenez aussi, qui est une ville avec un très riche historique, et avec un bon noyau militant aussi. Et on a la chance d'être en bon terme et de travailler aussi un peu avec le planning familial de Douarnenez, qui a un super bagage d'expérience, et on est super content. Ça fait beaucoup de super, mais on est très content en tout cas de les avoir rencontrés et de partager quelques moments aussi avec elles. Ouais. De manière générale, on est déjà, en tant qu'individu et en tant que collectif, on est super reconnaissant de tout ce qui s'est passé avant, des personnes qui se sont investies, qui ont lutté, dans un contexte où c'était bien moins accepté qu'aujourd'hui, en tout cas, grâce à ces personnes sans qui on n'en serait pas où on en est aujourd'hui, hein, qui ont fait avancer nos droits, qui ont fait avancer la santé aussi. Et déjà, on est super reconnaissant, on a cette pensée justement pour les personnes qui se sont battues avant nous, et celles et ceux qui continuent de le faire aussi. Et on a cette chance aussi justement de pouvoir rencontrer des personnes qui l'ont fait, qui se sont battues, et d'avoir encore une fois ce partage d'expériences, de connaissances, très enrichissant souvent. On voit souvent les jeunes associations, les nouvelles associations et les nouvelles personnes militantes se dire « maintenant j'y vais, je m'en fous de ce qui s'est passé avant ». Et en fait, là on se rend compte que on peut pas faire ça, c'est pas possible, parce que nous on apprend des trucs maintenant, mais qui n'étaient pas vrais il y a quelques années. En fait, il faut souvent, quand les plus jeunes d'entre nous parlent, on leur dit « ouais, mais n'oublie pas en fait ce que les autres ont vécu ». On leur dit souvent « c'est facile ». Maintenant, par rapport à nous, mais c'est encore pour nous, ça l'était encore plus par rapport aux anciens. Et nous, on n'oublie pas. Enfin, je sais que les conseils, moi, je vais les chercher chez les plus anciens ou les plus anciennes. Même quand j'ai envie de lire des trucs, je vais les voir eux, parce que c'est pas les mêmes. Même les terminologies ont changé. Ils n'utilisent pas forcément les mêmes termes. Et c'est quand même bien d'essayer de comprendre tout ce qu'on nous raconte, quoi. Mais ouais. Mais en vrai, en Bretagne, vous êtes hyper riche dans plein de luttes, parce que moi, je viens d'Alsace, et il y a des personnes militantes, mais il n'y a pas ce qu'il y a ici, parce que il y a des militants qui sont là depuis des années, avec qui tu peux discuter, qui sont hyper abordables et qui nous aident. Et en vrai, je pense que la Bretagne m'aura au moins apporté ça, quoi. Genre, arrête d'être dans ton confort, sors de ton confort, va rencontrer des gens et vois en fait la richesse du monde, en fait, même si tu fais partie d'une très petite minorité, c'est très très très riche en fait. Genre, pour rien au monde j'aurais voulu être 6 quand je vois tout ça là. J'aurais pas grandi de la même manière. Et même là en ce moment, enfin, il y a une expansion dans toutes ces luttes justement. Enfin, on voit. Rien qu'on va prendre un exemple, les marches des fiertés en Bretagne, on en a combien cette année? On en a quand même pas mal, hein. On a des fiertés dans les campagnes, on a la première marche des fiertés de Redon cette année par exemple, de Morlaix aussi, et en fait on se dit c'est chouette, il y a beaucoup d'investissements, de mobilisation. Et là par exemple, si je peux donner un conseil aussi pour les personnes qui souhaitent s'engager ou qui souhaitent ouvrir leurs horizons aussi, c'est d'aller voir ce qui se passe ailleurs, si elles ont la possibilité de se déplacer ou de prendre contact, parce que d'une ville à une autre, l'organisation militante ou associative n'est pas du tout la même. Et le partage d'expériences d'un village ou d'une ville à une autre, c'est super riche. Deep. Donc initialement, on est un collectif en mixité choisie trans, non-binaire, en questionnement, donc toute personne qui ne se définit pas comme cisgenre. Et du coup, c'était pour prouver en fait que l'on pouvait aussi défendre nos luttes entre pairs, entre personnes concernées, qu'on n'avait pas besoin de ce soutien cis dans nos actions, parce que parfois il y a beaucoup de bonnes intentions de la part des personnes cis qui en fait n'en sont pas forcément, parce que c'est intéressé, parce que il y a un besoin de reconnaissance, c'est pas les bonnes motivations, voilà. Donc en fait on voulait pas être garant des personnes cis qui voulaient faire ce militantisme là donc on a fait en mixité choisie, en accueillant des personnes cis pour certaines activités, justement dans le soutien matériel, dans le soutien événementiel, où elles étaient les bienvenues aussi, sans souci. Et du coup, donc, la place des personnes cis, on l'a ouverte dans nos permanences, parce que c'est important aussi que les personnes cis, les proches, parce qu'il y a une demande, que les proches puissent être accompagnés, parce qu'avant, on le faisait par mail, téléphone ou réseaux sociaux. Maintenant, on a un lieu, donc la permanence du samedi après-midi, où on peut les accueillir aussi pour en discuter et de faire ça de manière chill et tranquille. Et là, la dernière assemblée générale, justement, il y avait un besoin qui était manifesté, c'était de faire de la place pour leurs proches, pour les alliés dans le collectif. Donc, ce qui a été proposé et ce qui a été voté, c'est d'ouvrir une adhésion à l'association pour les personnes cis, mais en qualité de membre soutien. C'est-à-dire qu'en fait, la personne cis aura un droit de consultation, ce qu'on appelle, donc, c'est-à-dire de donner son avis, de proposer des idées, de proposer son aide, mais pas un droit de participation à l'animation interne, c'est-à-dire tout ce qui est réunion, groupe de travail. Si ce n'est pas spécifié que la personne cis peut être présente, c'est toujours en mixité choisie. Voilà. Donc c'est vraiment pour laisser une place. C'est un premier pas, on va dire, dans l'inclusion des proches, parce qu'on a cette demande qui est faite. C'est un premier pas dans l'inclusion des proches au sein de l'association. Et voilà, mais on garde toujours en tête que c'est une asso par les personnes trans, pour les personnes trans principalement. Ça a fait débat aussi au sein de l'association, au sein du collectif initialement, d'ouvrir cette place. On a laissé la place aux membres de discuter. Avant, Maëlle disait que justement on laissait en priorité, enfin, on laissait la place à nos bénévoles, à nos usagers, de pouvoir définir aussi l'asso, parce que c'est pas une asso qui est figée dans le temps, c'est quelque chose qui est amené à évoluer aussi. Et on a laissé ce temps de discussion, ce temps de débat, et de manière très démocratique, ça a été voté en tout cas lors de l'Assemblée Générale ordinaire. On est dans la lutte contre la solitude déjà et contre l'exclusion. On essaie de promouvoir des activités, des actions, des événements qui sont inclusifs au possible. On essaye de se questionner sur l'accessibilité, tant pour l'accessibilité PMR, mais également avec la lisibilité, la compréhension. On prend beaucoup en compte la précarité aussi. Donc on essaye de faire des événements qui sont le plus accessibles en termes de mobilité, de financement. On fait des fêtes aussi. Là, on sort d'une kermesse qui était assez sympa, où il y a beaucoup d'entraide et chacun, chacune donne un peu de ses ressources pour mettre au profit. Et c'est en ça, en fait, qu'on fait du développement communautaire un peu pour tenter de faire rentrer notre public et nos copains dans la société plus facilement aussi et essayer de donner des clés ou de trouver des clés, parce que on n'a pas les réponses à tout. Mais voilà, on essaye. On se crée aussi une nouvelle famille pour beaucoup, et il y a beaucoup de liens qui se font lorsque les personnes ne sont pas forcément en bon terme avec leur famille. On a ce retour souvent aussi qui est fait que, en fait, entre nous, ça fait une deuxième famille, parce qu'on s'apporte de l'écoute, du soutien. S'il y a besoin d'une enlassade, il y a l'enlassade qui est là avec « je suis fier de toi ». Et ça, c'est important. Et même nous, on en bénéficie au final d'une certaine manière de ces relations affectueuses. Moi j'ai eu peur, parce qu'en fait ce que disait Lucie, on a pris de l'ampleur rapidement, on a vite fait beaucoup de connaissances, et après je me suis dit mais comment on va faire pour intégrer les gens qui vont venir petit à petit à la même échelle que les premiers ou les premières. Et en fait je crois qu'il n'y a absolument aucune différence entre les premiers et les derniers. Je pourrais même pas dire qui est arrivé en premier et qui est arrivé récemment. Et tout le monde est placé sur le même pied d'égalité. Après, il y a des affinités qui se font, mais ça, c'est des relations humaines normales. Mais on va pas laisser galérer les nouveaux parce que avec les anciens, c'est fait, quoi. Alors, non, il faudra toujours être en pleine forme pour aider les gens, donc la société n'avancera pas plus. On est dans une dynamique de toute façon où on privilégie le bien-être associatif des participants. Ça veut dire que en fait, l'idée c'est, tu veux faire de l'associatif, tu peux en faire, viens chez nous, enfin, on t'accueille, on peut t'accompagner, on peut t'apprendre à en faire avec nos expériences, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas que ça devienne une contrainte. Donc on fait, chaque membre en fait, est libre de faire ce qu'elle veut comme projet, on peut l'accompagner sur cette conception. Et voilà, donc c'est en ça qu'il n'y a pas de priorisation. Moi maintenant, c'est vrai que je participe à beaucoup de projets, à l'élaboration de beaucoup d'entre eux en fait, parce que je suis très active dans l'asso. Mais j'ai décidé aussi de prioriser ce qui, moi, me faisait du bien, parce que c'est important que je m'épanouisse dans l'asso et que je ne me mette pas trop de contraintes non plus. Donc, par exemple, moi, ce qui me fait du bien en ce moment, c'est de ce rapport à la santé communautaire, à la promotion inclusive de la santé. Et c'est en ça que je m'épanouis en ce moment. On a rejoint l'organisation de la marche de l'existence trans inter, qui est du coup la marche nationale parisienne pour les personnes transgenres et intersexes et des proches et des personnes qui les soutiennent. Et en fait, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de place pour moi parce que j'étais très honoré en fait de rejoindre cette organisation qui est nationale, qui est connue, reconnue pour la défense des droits trans et inter. Et en fait, avec le temps, avec les mois qui passent, je me suis rendu compte qu'en fait, la priorité, c'était quand même ce qui se passait chez nous. Parce que pourquoi toujours monter sur Paris pour faire de l'événementiel, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité, de visibilisation des ruralités. Du coup, ça me fait toujours plaisir d'être dans cette organisation, mais du coup, je m'y engage un petit peu moins en termes de temps. Du coup, c'est important pour nous d'avoir cet impact aussi dans nos campagnes. On est allé on a tenu un petit stand sur le marché à Sker il n'y a pas longtemps. Donc Sker, c'est loin de Quimper, mais en même temps... C'est loin, mais c'est hyper isolé. Donc ouais. S'il y a des personnes concernées là-bas pour avoir l'information, c'est compliqué. Donc c'est chouette. Ouais. Et puis voilà, on essaie d'intervenir. Là, on est aussi un peu sur Douarnenez en ce moment. On a des contacts qui se font. Là, on intervient bientôt pour une permanence de santé trans, justement à Pont-l'Abbé. Et le 31 mars, il y a la journée de visibilité trans aussi. Et la question, c'était, est-ce qu'on fait un appel à rassemblement sur la place publique, la place de la mairie? On s'est dit... est-ce qu'on veut vraiment faire quelque chose de statique où seul un quelque nombre de personnes va passer devant la mairie en plus qui du coup, on ne veut pas refléter la mairie, on veut refléter les identités trans. Et du coup, on s'est dit, on va réaliser un de nos premiers projets de l'association, du collectif initialement. Nous, on s'était dit, on prend une fourgonnette et on fait le tour des campagnes pour aller dire coucou, on existe. Et c'est ce qu'on va faire. Du coup, le 31 mars, on va prendre des petits tracts, des petits flyers positifs pour donner les bases un peu des connaissances trans. Et on va faire le tour des petits villages et des villes de campagne pour aller voir les commerces et lieux d'accueil. Et on va leur dire, salut, aujourd'hui, c'est la journée trans et tout. Est-ce que vous voulez parler un peu? Et on fait le tour comme ça et... Donc c'est des priorités, on va dire. Enfin, ça dévie un peu de la question des priorités, mais de revenir un peu à l'essentiel aussi, c'est-à-dire parler d'aller voir les gens là où ils sont directement aussi et pas être trop prétentieux dans les actions. Je voulais voir tu parlais des temps d'accueil et des groupes de parole. Le groupe de parole, c'est une fois par mois. Peut-être qu'on peut dire aussi quand c'est, s'il y a une régularité. C'est le troisième jeudi du mois, en général, à partir de 20h. Et ça se passe ? À Carfetin aussi. À Carfetin aussi. Ouais, c'est accueil dès 19h, et le groupe, il est à 20h. Oui, et du coup, c'est à 10 bis, avenue de la France Libre. On a un local qui est mis à disposition par la mairie. C'est à 10 bis, avenue de la France Libre, tous les troisièmes jeudis du mois. On fait un groupe de parole. Là, c'est en mixité choisie, donc c'est que les personnes trans, non-binaires, en questionnement. Et... pour l'accueil des personnes cis également, il y a un groupe de parole mensuel par la Ligue des droits de l'homme Quimper qui fait un groupe de parole un dimanche par mois. C'est pas un roulement fixe, il faut voir sur leur réseau, où là les proches sont les bienvenus. Mais autrement, dans nos permanences d'accueil du samedi après-midi, donc c'est au même local 10 bis avenue de la France Libre, où là les proches, les amis, la famille sont bienvenus aussi s'ils sont accompagnés d'une personne trans pour discuter de de ces questions, pour avoir de l'information, du soutien. Donc ouais, du coup, le groupe de parole, c'est un cercle de parole où on se retrouve entre pairs pour discuter de transidentité. Donc c'est un moment de parole qui est cadré et défini. Alors que les permanences, en fait, ce qu'on propose, c'est un lieu d'accueil où l'usager, le bénéficiaire, la personne concernée peut venir faire ce qu'elle veut, c'est-à-dire se poser, travailler, dessiner, papoter, prendre de l'information, de la documentation. On a pas mal de docs qu'on peut mettre à disposition. On a tout ce qui est dispositif de prévention sexuelle aussi, gratuit à disposition. Un café, un thé, discuter. C'est ça un peu le credo, on va dire, du samedi après-midi. C'est libre. Parfois, on fait des petites projections, parfois, on fait des jeux, des ateliers pancartes. On essaye de rendre ça un peu ludique. Le CTFS dispose d'un site internet accessible à cette adresse, ctefsquimper.fr, et est joignable par mail à ctefsquimper@riseup.net. Thank you.